Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre émission spéciale rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, on attaque avec la bonne surprise de la scène locale de cette année. Je parle de l'album de Taiwan Balek, dont on va écouter un premier extrait, le titre qui s'appelle No Arms, No Candies. Album que l'on a reçu très gentiment, envoyé par le groupe spontanément. Et ça fait très plaisir. Donc merci à eux et j'espère que vous allez apprécier. Allez, c'est parti avec Taiwan Balek. Yeah.

Alors c'est tout à fait un exemple d'une certaine forme de dérive du droit des marques. Donc là, on a des enregistrements qui ont été faits à l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle, de personnes qui ont déposé des marques sur le nom Nuit Debout. Alors on s'attendait à ce que ça arrive, hein, parce que c'est dès qu'il y a un mot qui devient célèbre ou... Pack a wife. bitch. Cause I could like lead you on everyone to act like you. Cause I ask for your bitch so you can get a rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people Reach for the sky, cause tomorrow they never come. Reach for the sky, cause tomorrow they never come. Reach for the sky, cause tomorrow they never come. On l'a vu avec Je suis Paris lors des derniers attentats. Il y a des gens donc, qui déposent une marque de commerce pour avoir une exclusivité et se réserver le droit d'utiliser cette expression pour commercialiser tel type de produit. Donc là, la question qui se pose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit des marques, ça marche pas comme le droit d'auteur. C'est pas celui qui a forcément inventé Nuit Debout, Je suis Charlie, qui peut avoir la marque. Il suffit d'être le premier à le faire. Donc, il ne sera pas considéré comme un plagiat. C'est pas comme ça que ça fonctionne en droit des marques. Donc là, en général, il y a des gens qui font des opportunistes qui déposent une marque et qui essayent de capitaliser voilà sur la renommée d'un terme pour faire du commerce. To the top, it's a long way to the top. orange blondé dingue. À moi, fis-je, incapable d'autre chose que de ce cri. Et à ma honte, à ma confusion, ce cri fit déborder tout ce que ces dernières heures avaient refoulé en moi. Subitement, ce fut comme une explosion. Explosion de sanglots, de gémissements convulsifs et furieux. Je n'étais plus qu'une masse hagarde de désespoir, de douleur éperdue, d'où jaillissait un déluge de mots et de cris enchevêtrés. Je pleurais, ou plutôt ma bouche frémissante déchargeait toute la souffrance accumulée en moi et je la noyais dans des sanglots hystériques. Mes poings frappaient sur la table avec égarement et comme un enfant irritable et hors de lui, la figure ruisselante de larmes, je laissais éclater avec rage ce qui, depuis des semaines, couvait en moi comme un orage. Et tandis que ces épanchements effrénés me soulageaient, j'éprouvais en même temps une honte infinie à me trahir ainsi devant elle. Sorrow in this world. Qu'avez-vous pour l'amour de Dieu ? Ce disant, elle s'était levée brusquement, toute décontenancée. Puis elle vint vite à moi et me conduisit de la table au sofa en ajoutant « Étendez-vous là, tranquillisez-vous. » Elle caressait mes mains, elle passait les siennes sur mes cheveux, tandis que des secousses convulsives continuaient à ébranler mon corps tout tremblant. Is filmed before a live audience. Yes, ladies and gentlemen, tonight, live from Arnold's Drive-In and Milwaukee Fried Chicken Stand, You Wanted to See It brings you one of the most exciting events it's ever been our privilege to bring. Okay, kids, Arnold's is proud to present Kenosha, Wisconsin's own Weezer. Oh, please, try the fish. What's with these homies dissing my girl? Why do they got a front? What did we ever do to these guys that made them so violent? Ooh, but you know I'm yours. Ooh, and I know you're mine. Ooh, and you can't stay tuned for more Happy Days. Good work, guys. I mean, you were really great. Thanks, Al. Sensational. Hey, anyone try the fish tonight? That's not so good, Al. Not so good, Al. Yeah, yeah. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Ne vous tourmentez pas, Roland, ne vous tourmentez pas. Je connais tout cela, je l'ai senti venir. Elle caressait toujours mes cheveux, mais soudain sa voix devint dure. Je sais par moi-même comment il s'y prend pour troubler les gens. Personne ne le sait mieux que moi. Mais croyez-moi, je voulais toujours vous avertir lorsque je voyais que vous mettiez tout votre appui en lui, qui lui-même est sans stabilité. Vous ne le connaissez pas, vous êtes aveugle, vous êtes un enfant. Vous ne vous doutez de rien, pas même aujourd'hui, non pas même maintenant. Ou peut-être avez-vous aujourd'hui, pour la première fois, commencé à comprendre quelque chose. Tant mieux pour lui et pour vous. We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing champs, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 great cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, put them up against the wall and shoot them, short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault, your record didn't make it. We made you dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, put them up against the wall and shoot them, show them tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Thank you. I used to think that I could not go on. Life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. And I'm leaning on the everlasting arm. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to resta penché sur moi affectueusement. Il me semblait que ses paroles et le contact apaisant de ses mains, endormant ma douleur, venaient d'une profondeur ouatée. Cela me faisait du bien de rencontrer enfin, de nouveau un souffle de sympathie et de sentir près de moi tendre, presque maternelle, la présence d'une main de femme. Peut-être aussi que j'en avais été privé depuis trop longtemps, et maintenant, voyant à travers le voile de la tristesse l'intérêt que me témoignait une femme tendrement pressée, ma souffrance s'allégeait. And counting Get up, get up, get up. Every Mais malgré tout, combien j'étais confus, combien j'avais honte de m'être trahi dans cette crise et de m'être livré ainsi dans mon désespoir. Et ce fut malgré moi que, me redressant péniblement, je donnais encore cours à un flot de cris à la fois précipités et saccadés, me plaignant de tout ce qu'il m'avait fait, disant comment il m'avait repoussé, persécuté, puis de nouveau attiré, comment, sans raison ni motif, il se montrait dur envers moi. Bourreau auquel, malgré tout, j'étais attaché avec amour, que je haïssais en l'aimant et que j'aimais en le haïssant. Je recommençais tellement à m'exciter qu'il fallut encore qu'elle m'apaisât. De nouveau, ses mains, ses douces mains, me repoussèrent sans rudesse sur l'ottomane d'où je m'étais levé avec emportement. Enfin, je devins plus calme. Elle se taisait toute pensive. Je devinais qu'elle comprenait tout cela et peut-être qu'elle le comprenait encore plus que moi-même. Bye. J'ai déjà tenté à plusieurs reprises de vous décrire l'expressivité exceptionnelle de sa physionomie et de tous ses gestes. Mais celui-là, je ne puis le dépeindre, car c'était une béatitude si extatique et si surnaturelle qu'on n'en voit presque jamais de pareil dans une figure humaine. Elle n'était comparable qu'à cette ombre blanche qu'on croit apercevoir au sortir d'un rêve lorsqu'on s'imagine avoir devant soi la face d'un ange qui disparaît. Oh yeah, scaring the nation with their Day by day. quoi le dissimuler. Je ne résistais pas à ce regard. Stop, stop. Come on, go let me in then. Yeah. $50 millions. 5 fois 1 million de dollars, le tout encore multiplié par 10. Agréablement absorbé par l'idée de cette fortune qui lui appartiendrait bientôt, Charles Bendroit avançait au pas dans l'immense embouteillage de la voie express. Il n'était qu'un conducteur parmi les milliers d'autres revenant vers Manhattan après avoir passé le week-end à Long Island. La plupart n'avaient rien d'autre à faire que d'attendre dans leur caisse, râlant et jurant devant la lenteur de la circulation. Mais Bendroit s'en apercevait à peine. D'une part, la perspective d'une somme aussi fabuleuse le mettait d'excellente humeur. D'autre part, aucun des autres automobilistes n'avait une voiture aussi merveilleusement confortable que la sienne. Won't you? Elle avait été faite sur mesure pour Ben Droit par la Cartel Company de Woking, Angleterre, qui avait la clientèle des princes arabes et des producteurs hollywoodiens les plus célèbres. C'était un miracle automoteur des années en avance sur son temps. La suspension, contrôlée par un micro-ordinateur de bord, lisait la route, effaçant les trous et les bosses, tandis que le système hydraulique inspiré de l'avionique permettait de tourner sans le moindre roulis ni tangage. ¿Quién te llama? ¿Sí? Ojo oh, de. Nos vamos. Dame un litro, tío. Voy. Pues nos vemos.

L'intérieur ressemblait à ces appartements qu'on voit dans les magazines. Moquettes de laine vierge, plafond tapissé de drylon blanc, cuir et daim souple partout ailleurs, sauf sur les sièges en peau de porc de thon, brun et crème. Le tableau de bord, la console stéréo et les cadres des portes étaient en noyer italien et macoré africain. Démocratie. restriction, a desperate need for benediction, a decision to make no more decisions. Large cages and small stables, phonophiliac lamps and tables, the willing who wanna be unwilling, enable us to live in our severe society. We find freedom through slavery, absolute power and hierarchy, in our secret society. We find freedom through slavery, absolute power and hierarchy, in our secret. Vous êtes toujours sur le 100 FM Lost in Space, votre rendez-vous punk rock du dimanche soir. Il est 23h, passé de quelques minutes maintenant. On vient d'écouter à l'instant NoFX qui nous parlait de Secret Society. Et la deuxième partie de l'émission est, comme d'habitude, donc à partir de 23h, consacrée soit à un live, soit à un album marquant. Et aujourd'hui, c'est l'album de Hall. Alors, à ne pas confondre avec la gonzesse de Kurt Cobain, Courtney Love, qui avait aussi un groupe qui s'appelait Hall, mais avec un H, donc on le prononce avec le H inspiré, ça fait Hall. Ici, c'est Hall, A2L. Alors, c'est un groupe qui s'est créé après les Descendants, dont on a écouté un album la semaine dernière, toujours dans ce créneau à partir de 11h. Celui-ci, il s'appelle All Roy for Praise. Alors, All Roy, pourquoi ? Parce qu'ils ont un petit personnage, une petite mascotte qui s'appelle All Roy, un petit bonhomme avec des gros yeux tout ronds, et qui font évoluer, en fait, dans chacun des albums. À chaque fois, c'est différent sur la pochette. Et sur cet album-là, il est, en fait, candidat pour être président américain. On replonge donc dans la vague d'or du punk rock américain du début des années 90 avec ce All Roy for Praise. C'est parti.